Je suis ta femme. Il n'y a pas de mal, n'est-ce pas ? Charles Nodier, 14. C'était une grande chambre, très élevée, à chambranle doré, à corniche gothique, une tapisserie de Damas, le lit de Damas, les meubles de Damas, d'une couleur brune-verte, avec des ramages. Le tout fort triste à voir, en vérité. Berthe prit un flambeau sur la cheminée et ouvrit la porte d'un cabinet. « Je vais prier Dieu, » dit-elle à Eugène. Puis elle referma la porte sur elle. Eugène se coucha. Une heure après, ne voyant pas revenir sa femme, et craignant qu'elle ne fût incommodée, il l'appela. « Me voici, » répondit-elle, et il y avait des larmes dans sa voix. Elle revint. Elle prépara un verre d'eau sucrée qu'elle posa sur une table près du lit, souffla la lumière et se coucha aussi. Vers le milieu de la nuit, elle demanda à Eugène s'il dormait. Lui ayant répondu, elle le pria de lui faire passer le verre qu'il trouverait près de lui sur la table. Il le lui donna. « Eugène, lui dit-elle, n'est-ce pas qu'il est bien cruel pour un homme de passer sa vie avec une femme qu'il n'aime pas ? Je crois, Berthe, que vous vous plaisez à vous tourmenter. Et je vous tourmente aussi, n'est-ce pas ? Vous avez raison, mon ami. Pardonnez-moi, Eugène, je ne le ferai plus. Le voulez-vous, Eugène ? Voulez-vous me pardonner cela, et tous les autres chagrins que je vous ai causés ? En vérité, Berthe. Oh, vous le voulez, car vous êtes bon, bien bon. Elle prit la main de son mari et la porta à ses lèvres. Vous êtes une enfant, Berthe, dit Eugène, ému, et il l'embrassa. Mon Dieu, dit Berthe, puis elle but l'eau sucrée et rendit à son mari le verre vide. Le lendemain, à son réveil, Eugène, voyant l'immobilité de sa femme, crut qu'elle dormait. En se levant et faisant le moins de bruit possible, crainte de la réveiller, sa main rencontra par hasard le bras de Berthe. Ce bras était glacé. C'était sans doute l'air frais du matin qui l'avait frappé. Eugène le remit doucement sous la couverture pour le réchauffer. Toutefois, il ne put faire cette action sans jeter un regard sur sa femme. La couleur verdâtre et sombre des rideaux, de la tapisserie, de tout l'ameublement, se reflétait sur le visage de Berthe et lui donnait une teinte cadavéreuse. Eugène s'en sentit tout troublé. Il n'était pas superstitieux, mais l'aspect lugubre de cette chambre lui serra le cœur. Il s'habilla fort vite pour aller faire un tour dans le parc, ou pour s'échapper de cette chambre, ou, possible aussi, pour avoir des nouvelles d'Alphée. En prenant son chapeau, une lettre tomba. Elle lui était adressée. Il l'ouvrit, reconnut l'écriture de Berthe. Étonné, il lut. La mort n'est peut-être qu'une vie inconnue, où le bonheur est moins impossible que dans cet horrible univers. Henri de la Touche. 15. À Eugène. Mon ami, mon seul et unique ami, mon seul amour sur cette terre. N'est-il pas vrai que la vie, dénuée de toute illusion, dépouillée de ce prisme enchanteur qui vous trompe, mais en vous séduisant, la vie est bien triste à passer. Eugène, que de souffrances il m'a fallu pour arriver à penser cela. Et je n'ai que 18 ans. C'est que peu d'âmes sont faites comme la mienne. C'est que, pareil à la sensitive, le moindre souffle qui m'atteignait me flétrissait. C'est que tous les jours je sentais s'éteindre dans mon sein tout principe de vie. Et je ne pouvais mourir. Et une idée surgissait dans mon cerveau, une de ces idées qui viennent d'abord on ne sait comment, qu'on chasse avec effroi, puis qui reviennent, et qu'on caresse alors, idée qui s'empare de toutes vos autres idées et les absorbe. Le suicide, enfin. Eugène tressaillit. Il s'interrompit pour jeter un coup d'œil sur le lit. Berthe dormait toujours d'un profond sommeil. Il reprit sa lecture. Oui, le suicide. Les peuples policés le défendent. D'autres, nommés sauvages, le permettent. Dans le fait, pourquoi les uns et les autres agissent-ils ainsi? Imaginez un être doué de quelque raison qui se dit « Que fais-je ici sur cette terre. À charge aux autres, à moi-même, de quelle importance est ma vie dans ce monde? C'est un atome dans l'espace. Ma vie, qu'appelle-t-on ainsi de ce mot vague, mon Dieu? Être sujet à mille infirmités, souffrir mille maux, trouver une difficulté à chaque pas, un chagrin à tous vos instants, un obstacle à vos moindres désirs. Comme l'épine naît avec la rose, n'avoir pas un plaisir sans que la peine se fasse sentir à côté. Et si celui à qui elle pèse trop, si celui qui ne peut la supporter, s'en affranchit, où est le mal? Je vous le demande, mon Dieu. Mais vous êtes heureux, privilégié du ciel. Vous avez un ami que votre mort affligerait. Votre vie tient à une autre vie. Votre âme à une autre âme. Et votre cœur ne pourrait cesser de battre sans briser un autre cœur. Oh, alors vivez! Tout vous le dit, tout vous en impose la loi. La vie est riante, vivez! Croyez-moi, mon ami, Dieu, en mettant à notre portée les moyens de prolonger ou d'abréger nos jours, Dieu, dont la prévoyance et la bonté sont infinies, Dieu, ne nous dit-il pas bien, en vous plaçant sur cette terre, en vous donnant la vie, j'ai mis près de vous les moyens de vous en affranchir, faites usage de votre raison. Le fardeau est-il mesuré à vos forces? Supportez-le. Ne l'est-il pas? Posez-le. Mon Eugène, car à présent tu l'es encore, mon Eugène, lis jusqu'au bout, je t'en prie, et dis-toi. Hier, il existait une créature à laquelle la nature avait tout refusé, tout ce qui fait la joie d'une femme, la beauté, tout ce qui en fait le bonheur, être aimé. Cette femme aimait, elle aimait, jusque à la passion, jusque à sacrifier pour celui qu'elle aimait, et sa vie, et son âme, et elle-même, elle n'a pas hésité. Une larme est tombée de vos yeux, une larme de gêne pour une autre que pour moi. Elle a rejailli sur mon cœur, elle m'a tout révélé. Cette larme m'a dicté, non mes devoirs, je sais que je les outrepasse, mais votre bonheur, Eugène. Mon ami, quand tu auras lu cette lettre, tes liens seront brisés à jamais. Ta main chérie a présenté innocemment la mort à celle qui, ne pouvant vivre pour toi, a voulu mourir pour toi. Pardon si je t'afflige. Un regret, Eugène, un seul, c'est tout ce que Berthe te demande. Mais ce n'est pas possible, s'écria Eugène, haletant, et s'élançant vers le lit, il étira brusquement les rideaux. Berthe, Berthe, par pitié, réponds-moi. Oh, tu n'es pas morte, répondez-moi donc. Et, pour la première fois, ses bras s'ouvrirent avec transport sur cette femme qui ne l'entendait plus. Pour la première fois, il chercha un battement sur ce cœur qu'il avait brisé. Berthe était froide. Que dites-vous du livre d'Hermodore? Qu'il est mauvais, répond Antime. Qu'il est mauvais, continue-t-il, que ce n'est pas un livre, ou qui mérite du moins que le monde en parle. Mais l'avez-vous lu? Non, dit Antime. La Bruyère. Conclusion. On raconte, j'ai peine à le croire, qu'avant la fin de l'année de deuil, Eugène était remarié à Alphée. C'est bien triste à penser, mais que voulez-vous ?